pas fait tout ça pour m'arrêter au méridien. Je mérite, mais dis donc, le voyage se fera et fut long. Viens nous retrouver dans un bar à bord des verres de whisky irlandais comme les Peaky Blinders. On a les rimes perforants, diffusés snipers. Marre de ce monde, mais je vais pas finir comme Cypher. On trouve pas les rimes, nous on les compte, ça fait sens. Auto, il ne rappe que des comptes, ça fait sens. Mais je sens l'insulteur, tu sens l'essence. Frère, je suis moteur V8. On t'allume avec bougie, dans un slide de l'huile. Tes valeurs se brisent fort pendant que le vice fonce. Je prends l'eau comme le radeau, navigue en contre un typhon. J'avance serein et j'attends le coup d'envoi du match. Le gardien est payé, retrouve-moi à Birmingham. Je joue dans plusieurs jeux, appelle-moi le polygame. Genre un joueur qui n'exécute que devant, pas seulement une jambe. Perdu ça c'est tentant, si on provient des dom-dom, ok. Le but est en mire comme le jeu du Bilbo, ok. Le monde est ainsi fait, se note dans un siphon. Si on avait les moyens, on l'aurait aussi fait. Auto-change de point de départ au sifflet. La rime est facile, d'accord alors fais-les. Le jeu est fini, les codes sont lésés. Je recommence le game, triangle, croix, carré, et c'est mort. Comme écouter la concuniquée des prods. Comme baptisé tel un gosse des Timberland. J'téléphone avec mon Pogatega, j't'appelle à l'occasion. Pour faire des sons sur du boom bap, vas-y bouge. Le chemin est long, on le fera en un seul bout. Mon navire c'est moi petit concubo barbecue. Le train est en marche et j'attends le bif. Le sang c'est la roue qui fait tourner la roue de la machine. Ça fait bien longtemps que nous montrâmes le passé simplement. En kiki en tout temps à la gâte et très humblement. Écoute les paroles, ne rime ne sent que deux passages. Pas stress, l'inspiration dans les parages. Je veux voir ma ville piégée sous les bombes de Paris. Terni, plus capable de penser librement à l'air libre. Pas stress. Y'a bien du bon, la faute est verte. T'es chou con, tu vois le monde comme à travers verre. Ça vient du fond, poto, j't'éclaire. C'est nous narcotrafiquants, trafiquants des verres.